C'est fou ça. 89.1. Moi je veux être. Tu veux être libre comme l'air, hey. Libre comme l'air. Tu veux être libre comme l'air, hey. The lion accelerate, a ghost fighter, a ghost fighter. I'll accelerate, ghost fighter, a ghost fighter. I'll accelerate, cause I fucking do. Et vive le rock libre! Man, you're fucking, you look horrible, you know? And nobody wants to be around you because you're full of problems. You know? Or you're gonna bump change up them, you know? So they disappear. And then, you know... Fucking, I love you, man. See ya, you know, and then you never see him. You don't want to see him, you know. Fucking see ya. Accept it. I'm homeless and I deal with this other world. And then that gets old. That gets fucking old after years. You get tired of walking. You get tired of blisters. You get tired of begging. You get tired of all the shit that goes along with it. So then you fucking try to get somewhere. And the whole time... Anybody who's already doing the life thing, and they're most of them, the majority, 99%, are unhappy with their lives anyway, even though they've got everything materialistically that they'd ever want. So they're fucking gonna keep fucking you down because they don't want you going anywhere. So it's like you're fighting society from the day you're born anyhow, with being thrown into school. If there's any differentiality to you or any individualism, the parents are responsible. The kids are like little, you know, fucking images of their parents. And they're just as fucking mindless as their grandpas and grandmas and the ancestors and the old traditional ways. So it's up to you to stop the fucking generation fucking cloning. And make a move on your own. Read for yourself and do whatever you gotta do. Whatever you want to do. You know, because people are gonna try to keep you down no matter what. That's just something I've learned. You know? Fuck them. You know, you die tomorrow, you're still ahead. Who knows? You can't predict nothing. You just gotta keep going on and fucking have goals and try to get them. You don't? You don't. What do you lose? Nothing. 100 years from now, nobody cares anyway. We'll be right back. Bienvenue tout le monde à cette 379e émission de Sky Punka, la seule et unique émission punk en Mauricie. C'était US Bombs avec la pièce All the Bodies, extrait d'un de leurs vieux albums qui s'intitule Garibaldi Guards. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs choses. On aura entre autres une entrevue avec The Prowlers ainsi que Buddha Bulldozer qui seront en spectacle le 6 novembre à Montréal au Café Chaos. C'est samedi qui s'en vient finalement. Mais d'ici là, on s'en va tout d'abord en musique avec une légende du punk américain. Ça va débuter avec Dead Kennedys et une de mes pièces préférées de ce groupe-là, c'est-à-dire Kill the Poor. Ensuite, nous allons continuer avec quoi? Après ça, on va avoir... Voyons. Bon, OK. Après Dead Kennedys, nous allons avoir Broadcast Zero. Avec encore une fois, deux tunes qui vont s'enchaîner une après l'autre parce que, en fait, les tunes qui sont sur le nouvel album de Broadcast Zero s'enchaînent presque une après l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on va avoir la chanson Fear Culture ainsi que Killing Spree. Et puis, après ça, nous allons finir le prochain bloc avec Knucklehead et la pièce Heart on Fire, qui est la chanson thème de leur plus récent album. Alors, allons-y, sans plus tarder, avec Kill the Poor de Dead Kennedys, uniquement à Sky Punka, sur les ondes de C'est Fou, la radio Campus de Trois-Rivières. If patience in progress is ours once more, now that we have the neutron. Kill the poor tonight. C'était Knucklehead avec la pièce titre de leur plus nouvel album, la chanson Heart on Fire. Juste avant, on avait eu tout d'abord, si on recule de deux pièces, Dead Kennedys avec Kill the Poor. Et ensuite, on avait eu Broadcast Zero avec les deux pièces consécutives, Fear Culture ainsi que Killing Spree. Maintenant, on va aller faire un tour en folk punk. avec tout d'abord The Tossers et la pièce No Loot, No Booze, No Fun, extrait de leur... avant-dernier album qui s'intitulait The Valley of the Shadow of the Death. Et puis, ensuite, nous allons voir Dropkick Murphys avec The State of Massachusetts, extrait de leur plus récent album qui s'appelle The Menace of Time. Et nous allons terminer le prochain bloc avec The Lucky Ones et la pièce Ten Pins Good Looking. Trois pièces que je voudrais dédier à Axel, Molly et Nancy. Tout ça uniquement à Skypunka. Sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Sorry, all day long to shoot some dough right into your arm. The sun does rise, the birds do sing, night fly around, and shit on me, there's nowhere to go. No loot, no booze, no fun. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Well, there's no loot, there's no booze, and it's no fun. Now you've had your chance. I'm going to slow you. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet Les Gorilles aux mains rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, reverbnation.com/Les Gorilles aux mains rouges. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. C'est fou ça. 89.1. OK, Sylvain, tu m'entends-tu? Yes. Yes, sir. Ça va super. Bon, alors, tout le monde, j'ai en nom le chanteur de la formation Oeil légendaire de Montréal, The Prowlers. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, toi? Très bien, moi aussi. Fait que, comme ça, vous avez un bon gros show qui s'en vient là, samedi à Montréal au Café Chaos avec Buddha Bulldozer ainsi que Overpower. Oui, puis il y a aussi Thinking Shit qui va être qui joue aussi. On a 4 groupes au total. Ah, ça, je connais pas ça. Thinking Shit, tu m'as dit? Thinking Shit. OK, ça ressemble à quoi, ça? Ah, ben, c'est un des anciens chanteurs de Hold the Grudge avec du monde de jeunesse à Patrice. Pis, OK. C'est un petit peu hardcore, là. OK, ben c'est nouveau comme ça? Ben, ça fait peut-être une couple d'années qu'ils roulent, là, mais... Ah, ouais, connaissais pas. Ben, c'était avec JP qui chante ou avec l'autre qui chantait avec eux autres, avec là? Avec Pierre-Luc. OK, Pierre-Luc, okay, ouais. Il venait de Trois-Rivières, lui, avec. Ah, bon. On est petits. Ah ouais, ben nous autres, écoute, à Trois-Rivières, on a plusieurs grandes légendes qui se sont expatriées à Montréal, malheureusement. Ah, d'accord. On va commencer avec l'entrevue. Tout d'abord, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi que, en fin de compte, pourrais-tu me dire peux-tu me dire quand a été créé Prowlers et puis pourquoi, suite à de nombreuses années, en fin de compte, Prowlers, vous êtes revenu sur la scène? Ben, on a commencé à jouer en 1999, puis... On a fait pas mal de ce qu'on avait à faire, là, les tournées, les disques, puis les concerts. Puis, ça a été jusqu'en 2000 quoi, ça? Écoute, on a pris un break d'à peu près 4-5 ans. Là. Fait okay. Que, on a recommencé à jouer. Mettons, on a arrêté en 2006. Là. OK. Puis là, on a pris un break de 4 ans. Les gars étaient plus ou moins motivés parce que, avec le travail, booker des pratiques, puis... C'est dur un peu, quand même, là, ça vient compliqué, ça. Là, puis tous les gars avaient d'autres projets, où il y en a qui ont eu des enfants, puis... Fait que là, moi puis Stéphane, on n'était pas trop contents comment que ça avait fini, parce que, dans le fond, on n'a jamais dit, OK, c'est fini, c'est notre dernier show, on s'en va, fait que c'est là qu'on a recommencé à recruter du monde, puis... Ça a pas bien été, les gars sont dedans, là on est 5 personnes, puis le band est vraiment solide, puis je pense que les 5 personnes qui regardent dans la même direction, on a d'autres projets, on a des concerts de bouquets en Europe, puis ça recommence. Puis tout va bien comme ça. Ouais. Puis là, sur les 5 là, que vous êtes maintenant, dans les membres originales, il y a toi, bien sûr, il y a aussi votre drummer, là, Stéphane. Ouais, c'est ça, Stéphane. Puis pour les autres, c'est qui? Ben l'autre, les autres, il y a John qui joue de la guitare. OK. John, il a déjà joué, il a bien d'expérience. Il a déjà joué avec, ben il a joué pendant 8 ans avec The Brain. OK. Il a déjà joué avec Ripcord, avec Vulgar Deli. Fait que c'est un gars qui a bien de l'expérience. Il y a Martin à la base. OK. Martin, il a joué avec Elias Stitches, avec Jerk Appeal, puis plein d'autres groupes comme ça. OK. Puis à la base, c'est Richard. Richard, il a beaucoup d'expérience. Il n'a jamais été vraiment dans un groupe... de la scène Are You Punk, là? Oui, c'est ça, okay. Mais il a de l'expérience en tant que musicien, puis okay. C'est le barman où est-ce qu'on se tient, fait que... Ah, c'est bon. Bon, bonne chose. Fait que du côté musical, tout va bien comme, comme ça. Ouais, ouais, ouais. On est en train de travailler des nouvelles tunes, puis ça sonne bien. J'aime bien le goût et qu'on s'en va. Ah, c'est bon. Ben ça m'amène, c'est ma troisième question justement que j'avais à te poser dans vos nouvelles compositions. Tout d'abord, tu pourrais-tu nous dire si vous allez présenter des nouvelles tunes samedi au Chaos? Oui, on en fait une. On en fait juste une. Les autres sont pas à notre goût assez pour pouvoir les présenter. OK. Il y en a une qu'on va jouer. Puis, c'est ça. Hein? Puis, en même temps, tu pourrais-tu me dire de quoi qu'elle parle, justement, cette chanson-là? Ben, son titre, c'est quoi? Ça s'appelle Lost and Drunk in London. OK. Et ça parle de? Ben, ça parle que c'est un moment donné, j'étais à Londres, puis j'étais complètement sous. Puis, j'ai réalisé que... Quand t'es ici dans une ville que tu connais pas, ouais, c'est vraiment que tu m'en avais parlé, je pense, ça, à notre entrevue, je pense, avec Brigada, v'là un très bon bout, v'là un bout, là. Ah, ça se peut, c'est ça, mais on l'avait jamais qu'on va finir. OK. Là, ben, elle est prête, là. Là, c'est assez comme concrétisé, si on peut dire. C'est ça. Ah, c'est bon. Autre chose. Est-ce que vous prévoyez enregistrer là, un nouvel album bientôt? Puis si oui, quel sera son titre, s'il y en a un titre qui a été sorti? Et puis, combien de chansons que vous pensez sortir? Ben, le titre de l'album puis le nombre de chansons, il n'a pas encore été décidé. Okay. Là, on va sortir un split avec un groupe allemand qui s'appelle Produzenten der Froide. Oh, connais pas. C'est un groupe antifasciste de Stuttgart. OK. On va sortir un split avec eux autres, puis après ça, on va sortir l'album. Le split, c'est un peu... Parce que dans le fond, eux autres, c'est un groupe qui est quand même assez connu. Okay. Là-bas. Puis en plus de ça, nous, ça va nous permettre de faire « OK, ben on est revenu puis pouvoir sortir quelque chose le plus vite possible. Ah, c'est bon. Puis c'est ça, ça va faire une couple de shows avec eux autres en Allemagne, puis il va y avoir The Oppress avec nous autres. Oh. Ça va être des gros festivals, là. OK. Puis c'est sur quel label que vous pensez sortir ça? Je ne sais pas encore. C'est sûr qu'il y a Insurgent Records qui est mêlé tout ça. OK. Je ne sais pas si ça va être Matt Butcher ou Red Giant, une autre compagnie allemande. Parce qu'il faut dire que Matt Butcher avait quand même signé là, vos deux premiers albums aussi. Hein. C'est ça. Matt Butcher, je ne sais pas si tu as vu ses derniers... dernière chose qui a sorti. Il y a Los Fastidios, mais à part ouais, de ça, non, j'ai pas vraiment... Il est quand même plus rendu dans le ska reggae, dans le ska punk, là, tu sais. Fait que, okay. Je sais pas, c'est sûr qu'on pourrait retourner avec lui, mais point de vue, visibilité, puis peut-être qu'on est mieux d'aller avec un label qui fit plus avec nous autres. Mais ceci dit, on reste quand même des bons amis avec lui, puis on se parle, tu sais, on va voir un peu là, comment on va fonctionner avec ça. Ça se peut que lui, en même temps, ben, il ressorte l'album. Qu'on a fait, Air to the Gun Tomorrow. Ah ouais, ce serait bon. Puis Chaos in the City, qui fasse un album, comme qu'ils prennent ces deux-là, puis qu'ils sortent un même album avec les. Okay. Ouais, avec les deux, là. Fait que, en tout cas, c'est ça les projets vraiment qu'il y a avec le DVD, là. Ouais, c'est bon. C'était ça. Tu pourrais-tu me dire aussi, en fin de compte, comment tu classerais Prowler sur la scène punk internationale? Si on te demanderait, là, donne un style à The Prowlers, tu dirais quoi? Ben, c'est surtout du rock antifasciste. Moi, je nous mets dans la catégorie des groupes comme Loïc Ami, okay. des groupes comme ça, là, c'est un petit peu... Engagé. Ouais, engagé, pas non, nécessairement trop, parce que je suis pas un politicien, là, oui. Mais quand même, le stand, comme on dit en anglais, il est là. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de zone grise. C'est ça qu'on représente. Ah, c'est bon, ça. À l'origine, tu pourrais-tu me dire quelles étaient là, vos intentions quand vous avez créé Prawlers? Écoute, les intentions n'étaient pas... C'était pas bien grosse. Là. On se disait que si on faisait un show, on serait bien content. Okay. On a parti ça, puis sans se prendre au sérieux. Et finalement, les amitiés qu'on a créées, puis les liens qu'on a faits avec différentes personnes ont fait qu'on a pu enregistrer nos albums en Europe. Puis il n'y a pas beaucoup de groupes qui ont ce privilège-là. Fait que les autres, ça nous a permis de se faire connaître. On a les amis qu'on se fait à travers les années, puis c'est ça qui a fait que. Tu viens que t'es plus impliqué puis que tu veux continuer. T'sais. Ben oui. Puis en même temps, j'aimerais ça te poser la question suivante, puis elle est quand même assez longue. Quelle a été, selon toi, l'évolution de Prawlers depuis la fin des années 90 et maintenant? En fin de compte, je te pose ça parce que j'aimerais savoir si tu penses que The Prawlers a un plus grand rôle politique et social qu'auparavant face à la scène punk québécoise. Ben, écoute, je sais pas si... Ça a vraiment changé tant que ça. Écoute, c'est sûr qu'on est devenu un peu plus connu, là, qu'on a peut-être un peu plus d'influence. Mm-hmm. Nous autres, quand on a commencé, on regardait des groupes, on les regardait, puis on disait que c'était des modèles pour nous autres. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire que... Les modèles sont rendus vous autres. Ben, tu sais, en restant modeste, là. Mais tu sais, c'est sûr que si j'ai 20 ans, puis je suis un skin antifasciste, ben... Ça m'a peut-être m'inspirer de nous autres, de qu'est-ce qu'on a fait, pas nécessairement de la musique en tant que telle. Mais de qu'est-ce qu'on a pu faire. Fait que je pense que c'est là l'évolution. T'sais. Puis je pense que dans le fond, la chose qu'on est le plus fier, c'est qu'on a réussi à faire connaître Prawlers puis des groupes de Montréal internationalement. T'sais. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu. C'est pas quelque chose qui s'était vraiment fait avant. Ouais. Puis là, c'est pas juste grâce à nous, les autres groupes qui ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais t'sais, y a après nous autres, il y a Jeunesse à Patrice, il y a Esclaves Salariés, il y a La Gâchette. Qui ont pu se faire connaître eux autres aussi à l'étranger, faire des tournées. Fait que c'est super. Dans le fond, je pense que c'est un petit peu ça le rôle qu'on a pu jouer. Ouais. C'est vrai que ça a pas mal décollé avec la fin des années 90-2000. C'est pas mal là que, en tout cas, la scène punk et hype québécoise s'est fait connaître, on pourrait dire, un peu partout. Hein. Ben, c'est ça. Fait que c'est justement, des fois, c'est niaiseux, mais c'est juste de créer un lien avec la bonne personne. Mmh. Puis fait que finalement, oups. T'sais, on s'est mis à jouer des groupes comme Los Fastidios, Stage Bottles. On a joué Cantida, des groupes comme qui sont très connus en Europe. Mais c'est juste par connexion, puis c'est même que tu fais que tu te fais connaître. Ouais. Bon, ben, c'est parfait. Fait que, ben, moi, Sylvain, je vous souhaite un très bon spectacle samedi au Café Chaos. Ben oui, puis j'espère qu'il y a bien du monde qui vont venir. Ben j'espère, moi, avec, qu'il va y avoir du monde. Ça va commencer de bonne heure, ça va commencer vers 8h. Ça devrait être Overpower qui joue en premier. C'est des chums de Toronto, fait que ça serait le fun que s'il y en a qui écoutent, qui ont l'intention de venir au show, ben qui arrivent de bonne heure, parce que c'est un groupe qui envoie à Tom. Hein. Ouais, fait que ça commence de bonne heure que je pensais, fait que c'est à 8h comme ça. Ouais, c'est ça, il y a 4 groupes, fait que c'est pas évident de rentrer tout ça, puis il y a les métros, fait qu'on essaie de bien balancer ça. Hein. Puis les billets, c'est à la porte, il n'y a pas de problème pour les billets. Pour les places. Écoute, encore là, il y en a, je sais qu'il y a eu une grosse pré-vente. OK. Fait que, si j'avais un conseil à donner au monde qui veulent vraiment voir le show, bien, arrivez de bonne heure, parce que nous autres, la dernière fois qu'on a joué au Café K.O., ça fait quand même un peu de temps, mais ça a été sold out, puis il y a bien du monde qui n'a pas pu rentrer, fait que je veux pas non plus faire peur à personne, là, mais si j'avais un conseil à donner, arrivez tôt, parce que... Avec les 4 groupes qu'il y a sur le. C'est 4 bons groupes, 4 groupes connus. Fait que c'est sûr que il y a bien du monde. Il y a du monde de Québec probablement qui vont venir supporter Bouddha. Ouais, sûrement. La même chose de Toronto. Fait que écoute, ça va faire un gros party. D'ailleurs, Bouddha Bulldozer, je devrais les avoir en entrevue d'ici 2 minutes. Donc, bon show, Sylvain. Puis, je te souhaite un très bon avenir pour Prawlers, là, pour vraiment pour que ça. Que vous repreniez là, votre place que vous aviez. Là. Pis, ça s'en vient. C'est ça. Fait que, ben, bonne soirée, puis bon show. OK, merci, Brian. Salut, là. Alors, c'était The Prawlers, et puis là, on y va justement avec deux de leurs pièces, c'est-à-dire, tout d'abord, on va entendre la chanson Tous Unis, et puis après ça, nous allons poursuivre avec Drunken Skinhead, Et puis, ensuite, si tout va bien, bien, on va continuer une autre entrevue avec Buddha Bulldozer. Mais d'ici là, allons-y avec les deux pièces de Prodders que je viens tout juste de vous présenter. Tout ça uniquement à Sky Punka sur les ondes de C'est Fou, la radio Campus de Trois-Rivières. Encore une autre nuit d'enfer. OK, allons, Max, m'entends-tu? Oui, je t'entends très bien. Ah, moi aussi, je t'entends très bien. C'est amplifié au bout avec, avec la console. Bon, mais comme ça, c'est parfait. Il n'y aura pas de problème pour la communication. Good. OK. Fait que comme ça, vous autres, vous êtes en show au Chaos samedi avec The Prowlers. C'est bien ça? Exactement. Je pense que c'est un show qui est bien attendu, là. Ah oui. Ben, comme Sylvain me disait tantôt, il reste plus beaucoup de billets. Fait que pour la gang de Québec, ce qu'il m'a conseillé, arrivez tôt. Yes, sir. Fait que dis à tes chums de se déplacer vite. Ah oh oui, on va être là. Bon, nice. Alors, tout d'abord, peux-tu me dire quand et pourquoi a été créé Bouddha Bulldozer? OK. Ça remonte, je te dirais, déjà à 5-6 ans. OK. Malgré le fait qu'on n'a pas encore notre fameux album. Ouais, ça retarde. C'est une gang de chums, finalement, après un gros party bien arrosé du jour de l'an, on a décidé de starter un band de hockey. OK. Puis, c'est ça. Ça a starté il y a 5-6 ans, là, après un party du jour de l'an. Bon. Présentement, combien de membres vous êtes dans Bouddha Bulldozer? Actuellement, on est 5. Bon, et c'est qui, ça, ces 5-là? Ben, je te disais que, comme chanteur, il y a Cam, il y a moi, comme les guitares, il y a Lucas, un jeune Français de 22 ans qui s'est joint à nous autres. Ça, c'est un nouveau? Oui, c'est assez nouveau, ben, je te dirais, depuis un an, à peu près. OK. Donc c'est ça, il y a Lucas, il y a Alex de Montréal à la base. Okay. Et puis au drum, il y a Eric, un gars qui se remet pour nous aliens à l'époque. Bon, c'est bon. Samedi, est-ce que vous allez jouer des nouvelles tunes au Café Chaos? Puis si oui, combien et lesquelles? Puis de quoi parlent aussi ces chansons-là? Je te dirais qu'on joue plus beaucoup de tunes de notre démo. En fait, le seul enregistrement qu'on a là, à notre actif. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup de nouveaux matériels. OK. Puis ça parle de quoi, ça, c'est une nouvelle composition-là? Ça parle du quotidien d'un travailleur. Ça parle d'environnement. Ça parle de la scène oeil. Ça parle de faire le party. Okay. Ça parle des sujets de la vie quotidienne aussi, fait que toutes sortes de choses qui caractérisent la oeil. OK. Puis sur votre prochain album là, qui s'en vient bientôt, là, qu'on attend tous, là. Oui. Est-ce qu'il y a un titre que vous avez trouvé? Un titre? Ouais. Non, pas encore. Pas encore. C'est vrai qu'on travaille fort, ça promet. Okay. On a du bon matériel. Il y a combien de pièces là, à peu près? On prévoit en faire à peu près 15. OK. Puis, Faufin, tu me disais, tu pensais faire une étiquette là, DIY, ou penses toujours continuer vers là, ou peut-être aller sur un label? Oui, on va sûrement commencer ça. Oui, on va sûrement lancer ça, DIY. Écoute, okay. Il y a plusieurs des membres du groupe, je veux dire, ça fait partie de leur culture. Ils sont habitués à ça. Oui, exactement. Puis, écoute, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein? Ah. Ça, c'est certain. Mais sinon, y a-t-il d'autres labels qui vous ont approché pour vous demander si ça vous tenterait d'enregistrer avec eux autres ou... Honnêtement, on n'a pas bien tenté le terrain là-dessus. Okay. On se concentre. Okay. Écoute, étant donné que, bon, premièrement, il y a eu, au cours des années, il y a eu des changements de line-up. On est tous des travailleurs à temps plein. Y a un membre à Montréal, y a un membre qui vient de la France. Ben, écoute, les choses avancent à petits pas. Puis on essaie de là, on se concentre vraiment sur l'enregistrement. On veut avoir du bon matériel. Puis une fois que ça va faire notre affaire, ben là, on pourra regarder là au niveau des labels, puis voir s'il y a des ouvertures en quelque part. Là. Ok. Toi, Max. Comment classerais-tu Bouddha Bulldozer sur la scène punk québécoise? Pardon? Comment classerais-tu Bouddha Bulldozer sur la scène punk québécoise? Le classé... inclassable. Non, je veux dire, écoute, je dirais qu'on est de la branche street punk, oi. Mais on a quand même des bonnes influences hardcore aussi. Ouais. Donc, on n'a pas vraiment des l'étiquette. On n'aime pas ça, Vous aimez pas ça, là, vous classer ou... Non, ben, non, se classer précisément là, dans un créneau, là. Non, écoute, justement, on aime ça avoir une scène diversifiée en avant de nous autres, là, que le monde ait du fun. OK. Autre chose. Ouais. Puisque vous êtes, vous autres, ben là, je connais pas les nouveaux membres du groupe, mais en tout cas, je sais qu'en majorité, vous êtes quand même tous dans la trentaine. Puis, face à ça, est-ce que vous pensez que Bouddha Bulldozer a un plus grand rôle politique et social à faire passer face à la scène punk québécoise que dans vos premiers temps, que dans les premiers temps que vous avez eu là, vos premiers groupes, là? Penses-tu que maintenant, vous avez un plus grand rôle ou c'est comme avant? Non, je te dirais que on est au niveau mettons qu'on n'a pas de ligne éditoriale, je veux dire, au niveau politique, on a des tendances très différentes. Donc le premier objectif de Bouddha Bulldozer, c'est pas de faire de la politique, c'est de faire de la musique. Maintenant, écoute, si tu veux te parler de politique, on pourra pas en parler. Je pourrais pas en parler au nom de Bouddha Bulldozer. On pourra en parler avec chacun de nous. Mais non, je te dirais, moi personnellement, écoute, j'ai été plus dans la scène engagée auparavant que je le suis aujourd'hui. OK. Ouais. Mais sinon, y aurait-tu comme un élément qui vous réunit tous, un genre d'élément commun? Ouais, la musique, l'amour de la musique. La hoï. Bon, c'est bien ça. Donc, la hoï, la bière. Groupe au niveau de la bière parce que je vois à mes rencontres des AA chaque semaine. Fait que, finalement, moi, je vais vous souhaiter, Max, un très bon avenir pour Bouddha Bulldozer. Tu passeras le mot à tes chums. Ben oui, ben oui. J'espère t'en voir samedi. Ben, j'espère aussi. Fait qu'en même temps, je vais vous souhaiter aussi un bon show. Mais comme Sylvain me dit, ça a l'air d'être pas mal bien parti. Ah oh, ouais, je pense bien qu'on va avoir du gros fun sale. Ah oh, ouais, ça va, c'est ça. OK, bon, ben c'est ça. Donc, à la prochaine. C'est bon. Puis, hey, attends une minute, c'est vrai, j'avais oublié quelque chose. Là, on s'en va avec ta pièce Riot puis Shadow. Pourrais-tu me parler de Riot et de Shadow avant que j'ai fait jouer? Ah oui, absolument. Écoute, Riot, c'est probablement une des premières compositions de Bouddha Bulldozer. OK. C'est une tonne de gars en calvaire complètement pompé, qui est une tornade qui veut tout brasser. Donc, c'est un petit peu ça, Bouddha Bulldozer. Shadow, c'est une espèce d'hymne, je dirais, à la jeunesse, et surtout aux jeunes, à la jeunesse skinhead. Donc, c'est une espèce de oui, un hommage un petit peu à tous ces jeunes rebelles aux cheveux tondus là, qui ont brassé de la merde en masse. Là. Bon. Alors, on y va avec ça, Riot et Shadow, Aska et Punka, sur les ondes de C'est fou, le Radio Campus de Trois-Rivières. Puis encore une fois, ben bon show et à samedi. Salut! Salut là! Salut! Today, to get my pay. This is everything. Hey, wow, elle est bien bonne ta bière. C'est quoi? Festa Brew. Festa quoi? Festa Brew. Quoi ça? Moi qui l'ai fait. Hey, comment tu fais ça? Tu vas chez 20 bières, 3 rivières, tu choisis un kit, c'est super facile. T'as fait directement chez vous. Ah ouais, c'est cher? Ben non. C'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin. C'est parfait pour le temps des fêtes pis nos parties, ça. 20 bières, 3 rivières, 5437 Boulevard des Forges, 3 rivières. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça. Vous voulez organiser un spectacle ou un événement de tout genre, intérieur ou extérieur, événements corporatifs, congrès, conférences, concerts, spectacles, théâtre, défilés de mode, l'Odyssée sonorisation fait la location de l'équipement pour le son, l'éclairage, l'audio-vidéo et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée sonorisation. 971 rue Néry-Duplessis à Trois-Rivières. Vous êtes étudiant dans le domaine de la santé? La Banque nationale vous accompagne pendant vos études et vous offre un programme financier avec de nombreux avantages. Conçu pour vous et adapté à votre réalité. Rendez-vous à votre succursale sur le boulevard Jean 23 et découvrez comment financer vos études en toute simplicité. Profitez d'un compte bancaire sans frais et bien plus encore. De plus, courez la chance de gagner un fabuleux voyage au Mexique. Pour tous les détails, visitez banquedelasante.ca. La Banque nationale, votre partenaire durant vos études. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. La barricade, ça gratte, gratte, gratte, gratte. C'est fou ça. 89.1. Alors, vous écoutez toujours Skypunk en compagnie du camarade B. Tout juste avant le bloc publicitaire, on a eu tout d'abord en entrevue de Prowlers, justement, qui seront en spectacle avec Bouddha Bulldozer et Overpower, et un autre groupe que je viens d'oublier de prononcer, parce que, en tout cas, bon, j'ai oublié de l'écrire. Ah, la mémoire à court terme fait défaillance. Toujours est-il, en tout cas, ces quatre groupes-là seront en spectacle le 6 novembre au Café Chaos à Montréal. Donc, c'est samedi qui s'en vient, là, dans deux jours. Alors, Showa, il y a ne pas manquer. Et comme disait Sylvain, dépêchez-vous, il y aura peut-être plus de place la journée même. Bon, OK. Puis côté musique, on a vu pour Prowlers, Tous Unis et Drunken Skinhead. Après ça, avec Bouddha Bulldozer, on avait eu les pièces Riot ainsi que Shadow. Maintenant, on va continuer en punk. Avec tout d'abord The Hopla, une formation française qui a visité le Québec cet été avec les Dalton. Donc, pour The Hopla, on va entendre la pièce Pas si long, extrait de leur plus récent album qui s'appelle Sans danger. Ensuite, on va continuer avec un groupe américain, mais qui ont une chanson en français qui s'appelle Le Banana Split, c'est-à-dire The Clorox Girl. Ça, c'est un groupe qui se donne dans le punk assez quétaine, un peu à la Vibrators. Et c'est extrait de leur album « J'aime les filles » que vous pouvez retrouver sur l'étiquette Bio Record. Puis après ça, eh bien, on va aller dans un petit peu plus hard avec les Rectum et la pièce « Truck'n'Roll », extrait de l'album, du célèbre et glorieux album qui porte le même nom, qui fait la fierté de Trois-Rivières. Et finalement, nous allons finir le prochain bloc avec une légende de Montréal, WD-40. Et la pièce « Je veux vivre dans la forêt » pour tous ceux qui en ont assez de leurs voisins fatigants. Parce que dans le bois, t'en as pas de voisins, t'as grosse pessale. Alors allons-y sans plus tarder avec The Hopla et la pièce « Pas si long ». Seulement à Skypunk sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Yeah! sur les deux, c'est tout ça les jeans. Une silhouette aux longs cheveux, une épouseuse, une aventurière. Peut-être une femme est en détresse, je me ferai le devoir de l'embarquer. Je lui déborde la porte, mais quelle surprise, un pizzaine l'homme végétalien. Loin. dans le fond d'un rang. Mais là où le BS sera, je veux vivre dans la forêt pour voir les arbres de plus brûler, sentir ton corps contre le mien, attaché au WD40 avec Je veux vivre dans la forêt. Maintenant, on va continuer en ska avec tout d'abord The Redskins et la pièce Lean on Me. Ensuite, nous aurons Los Tres Puntos et la pièce Es una pescadilla. Et par la suite, nous allons avoir le groupe allemand Oxo 86 et la pièce Walking Class Heroes. Tout ça uniquement à Skypunka, sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Start the sun. sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 5 novembre, les Patriotes hockey affrontent les Piscines au Colisée de Trois-Rivières à 19h15. Samedi 6 novembre, les Patriotes hockey se mesurent à Ryerson au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Samedi 6 novembre, les Patriotes natation sont les hôtes de la 3e Coupe universitaire de natation au CAPS de l'UQTR dès 13h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Vous cherchez une ambiance unique pour votre événement? Lounge, jazz, ambiant ou trance? Que ce soit pour vos parties de bureau, 5 à 7 corporatifs, un lancement, un vernissage ou une inauguration, le Benzen, c'est le trio qu'il vous faut. Pour information et booking, studiostereo.com. Archambault, au lieu de découvertes culturelles avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Christian Laflamme nous présente le nouveau son de son projet, Les Gorilles aux mains rouges, maintenant disponible en mini-album chez Archambault et au Colimaçon Centre-Ville Trois-Rivières. Pour plus d'informations, reverbnation.com/ Les Gorilles aux mains rouges. C'est fou ça. 89.1. Alors, vous écoutez toujours Skypunka sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières. Lors du dernier bloc, on a eu Redskin avec Lean On Me, Los Tres Puntos, Es Una Pesadilla. Et ensuite, on a vu le groupe allemand Oxo 86 et la pièce Walking Class Hero. Maintenant, nous allons poursuivre avec The Clash et la pièce Police and Thief qui joue présentement en background. The St. Catherine avec No Friends, Older Grudge, Build Something Great. Ainsi que The Beatdown et Let Me Take Out. Tout ça uniquement à Skypunka. La seule et unique émission à jouer. À faire jouer du punk en Mauricie. Ah, on y va en musique. The revelation, the next generation. anymore. Just be perfect, I know. Don't come my house no more. I feel like going out, but I stay home, I can. Cause I don't have no friends. They're doing things with guys that I can't stand at all. They'll say that they change, but then I stay the same. I just wanna stay home, watch Game 5 alone. I don't like punk no more. I don't like the new sound. I don't like anyone, and I don't care at all. To talk about your band, your trip to Mexico, the red pills in your hand, that nuclear that you know. They all say that they changed, but then I stay the same. I just wanna stay home, watch Game 6 alone. Alors, c'était The Beatdown avec la pièce Let Me Take Out You, extrait de leur album éponyme qui est sorti cette année sur Stomp Record. Tout juste avant ça, si on recule de trois pièces, on avait eu The Clash avec Police and Thief. Ensuite, on avait continué avec The St. Catharines et la pièce No Friends. Et par la suite, on avait eu All the Grudge avec Build Something Great, seconde version. Maintenant, il est rendu l'heure de se quitter. Alors, aujourd'hui, nous allons nous quitter avec The Cliché et la pièce Last Round. Après ça, nous allons voir The 86 80s avec la pièce Second Class Citizen. Et nous allons terminer le tout avec Marching Orders et la pièce Here Pass Me By. Et si jamais on n'a pas le temps d'entendre tout ça, parce que la saveur du moment s'en vient d'ici quelques minutes, d'ici 6 minutes, eh bien, je vous invite à aller sur archive.org et puis vous allez pouvoir télécharger plusieurs émissions de Skypunka, dont celle qui est en train de s'enregistrer présentement. Alors, archive.org, ça s'écrit A-R-C-H-I-V-E sans S, point, O-R-G. Et puis, vous tapez Skypunka là-dedans, puis vous allez voir, les émissions sont toutes là, avec les playlists en plus. Donc, ben là, salut, à la semaine prochaine, toujours entre 19h et 21h, pour une autre émission de Skypunka. Bye bye, on se laisse avec The Cliché et la pièce Last Round, puis pour le reste, on verra si nous avons le temps. Wow. Bye. years pass me by, running out of time. Mistakes that I've made, they haunt.